Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles qui sont devant et derrière le micro. Vous avez bien entendu, j'ai dit celles qui font la radio sont à l'honneur dans cette série d'été de la mécanique des ondes. Pour le premier épisode de cette saison, j'ai le plaisir d'avoir en studio la seule et unique matinalière de la bande FM actuellement qui, je ne le cache pas, me réveille tous les matins sur France Info. Bonjour Fabienne Saint-Est. Bonjour. Alors, première question qui est habituelle dans cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative, j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Moi j'ai la chance d'être tombée dans Radio France quand j'étais petite, j'y suis tombée quand j'étais encore à l'école de journalisme à Strasbourg, et c'est là que j'ai fait mes premières armes en fait. Je travaillais le week-end, puisque la semaine forcément j'étais censée aller en cours, et je faisais du sport, ce qui n'est pas ma grande spécialité mondiale, et qui était donc un exercice et même une épreuve parfois, mais j'y ai appris beaucoup de choses, et notamment le sens de l'impro, beaucoup de choses comme ça. Puis c'est compliqué d'interviewer les sportifs, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'ils disent tous plus ou moins la même chose et qu'ils le disent mal, ce qui n'est pas forcément vrai. Je pense surtout qu'il y a des mauvaises questions et que du coup, ça apprend à poser autre chose. En tout cas, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et donc ça, c'était ma première expérience radio. Donc non, je suis jamais passée par une radio associative, en fait. Alors, vous étiez où en école de journalisme ? J'étais à Strasbourg. D'accord. Et vous avez donc toujours voulu en faire, c'était l'objectif ? Non, je savais pas très bien, en fait. Je voulais être journaliste, ça, je le savais depuis très très longtemps. Et je voulais raconter des histoires. Et un jour, je m'en souviens très bien, c'était un cours de presse écrite avec un prof de Libé dont j'ai oublié le nom maintenant, qui m'a fiché une note terrible, sans doute à juste titre, en m'expliquant, écoute, c'est une catastrophe, tu écris comme tu parles. Ou je dis, qu'à cela ne tienne. Et je me suis mise à faire de la radio. Et j'ai aimé tout de suite, en fait. J'ai aimé la facilité de ce média. J'ai aimé le fait qu'on puisse se parler, là, comme on est dans la vie, sans qu'on soit submergé par un tas de trucs techniques à régler tout le temps, des histoires de lumière, être bien coiffé, habillé correctement, etc. Et faire attention à beaucoup de choses. J'avais l'impression qu'il y avait cette facilité qui continue à me fasciner aujourd'hui encore, en fait, dans la radio, où au final, bien sûr qu'on a fait beaucoup de progrès techniques, heureusement, mais à la fin, il suffit d'un téléphone et de raconter ce qu'on voit, en fait, pour faire de la radio. Vous étiez en cours toute la semaine et vous faisiez de la radio le week-end. Alors, à quelle antenne, du coup, de Radio France? À l'époque, ça s'appelait Radio France Alsace. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle France Bleu Alsace. Hein, et le week-end, en deuxième année surtout. Jusqu'à ce que, pour se faire, c'est pas tellement des sous parce que c'était très, très mal payé, c'était pas le problème. C'est juste pour s'entraîner à faire des choses, en fait. Être sûr, surtout, qu'on aime ça, qu'on a envie d'aller plus loin. Ouais. Alors, combien de temps vous y restez seulement en stage ? Oui, non, même pas. Je faisais des piges le week-end, en fait, tout simplement. C'était pendant mes années d'études, donc. Puis ensuite, je suis rentrée au planning de Radio France. J'ai fait mon stage de fin d'études à France Inter. Je suis rentrée au planning de Radio France, et voilà, c'était déjà pas si simple, ça l'est encore moins aujourd'hui. Mais je suis rentrée et j'y suis restée presque 3 ans en fait, à tourner d'un endroit à un autre. Parce qu'il faut expliquer que le planning de Radio France, donc ce sont des journalistes qui rentrent. Et on travaille en CDD, donc d'une radio à l'autre, donc en fonction des vacances, des congés maladie, des maternités, etc. On remplace les uns les autres. Et ça a été une formidable école, parce que quand on travaille en local, on parle aux gens. Et que leur radio locale, c'est alors pour le coup, c'est bien plus leur réveil matin, en tout cas dans un sens différent du réveil matin que je suis aujourd'hui. En fait, il y a une proximité qui n'a rien à voir. Les gens viennent vous parler et venaient d'ailleurs. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Il y avait une relation qui était sans doute encore plus proche. Les gens viennent, ils vous font des gâteaux, ils vous les amènent pour votre anniversaire. Enfin, il y a ce degré de proximité là. Et puis il y a aussi que quand on parle du pas de leur porte, on est vraiment au pas de la porte. Donc quand ils râlent parce qu'on n'a pas raconté ce qu'il faut, ils viennent le dire parce que ça les concerne directement. On est dans la vraie vie des gens au sens propre du terme. Puis on est dans les petites histoires qui sont toutes des grandes histoires en fait. Au final, et je suis convaincue que cette expérience là m'a m'a beaucoup aidé à faire ce que j'ai fait derrière. C'est une histoire de culot aussi, mais de culot même si à notre corps défendant même. Hein, moi, j'ai des souvenirs d'arriver dans une radio locale pour un CDD. Le premier jour, on me dit, bah, tu vas à la réunion de je sais pas quoi, et il y en a qu'une qui sait même pas quelle est la tête du maire, c'est moi, alors que tout le monde le connaît. Donc, il faut aussi plonger dans le grand bain. S'adapter très vite. S'adapter très vite aux équipes, aux gens, à une autre actu, à des tas de choses très différentes. Et moi, j'ai adoré cette école-là. J'ai vraiment adoré. C'était s'adapter, ouais, très très vite à tous les terrains et changer d'ambiance. Changer de gens, changer de région. Enfin, il y a tout le tissu sociologique, par exemple, quand on est à Montpellier, n'a rien à voir avec celui qu'on trouve quand on va à Nancy, par exemple. Il faut aussi s'adapter à ces choses-là, comprendre vite. Donc c'était bien. C'est bien aussi que ça ait pris fin, parce que c'est pas non plus facile tous les jours. Et ceux qui sont en ce moment dans cette situation-là sont dans une situation de précarité qui est bien pire que celle qui était la mienne il y a 20 ans. Hein. Moi, j'ai eu plutôt beaucoup de chance. Donc c'est pas toujours drôle non plus. C'est pas une partie de plaisir. Mais c'était en coup de cas pour moi une formidable école et je regrette pas ça une seconde. Donc combien de temps de planning ? 3 ans. Et ensuite ? Ensuite, intégration à Nancy, c'était l'époque, encore une fois, où on allait là où les autres ne voulaient pas aller, mais ça faisait partie du jeu, en fait, on était les derniers. Et curieusement, c'est assez drôle, lorsque j'ai postulé à Nancy, où j'étais déjà passée en CDD, en fait, donc je connaissais les gens, c'est typiquement le genre de région qui peut faire peur, a priori, les gens disent, mais ça a l'air d'une tristesse, cet endroit, ça sent le charbon et l'acier mort et enterré, et des gens malheureux. La Lorraine n'a pas belle mimeuse. Voilà. C'est sûr que ça fait plus rêver quand on voit Palavas sur un panneau indicateur que quand on voit Longwy, c'est sûr. Mais justement, en fait, d'abord c'est pas vrai, et puis justement, il y a plein d'histoires à raconter dans ces coins-là, il y a plein de choses à découvrir. Moi, je suis arrivée justement à un moment où la sidérurgie, tout ça, c'était fini depuis un moment, mais on était dans la phase 2 des Coréens notamment, etc., qui s'installaient. Donc une espèce de regain économique comme ça qui s'est cassé la figure assez vite derrière. Non, c'était vraiment bien. Et puis ce qui était bien, c'est que c'était une région à forte actu. Hein. Et quand on est dans une région à forte actu, à Radio France, c'est le principe, on envoie beaucoup de sujets aux rédactions nationales, donc à France Inter et France Info, ce que je faisais régulièrement. Et ça m'a donné une porte d'entrée à Inter où je suis rentrée après, finalement. Donc, merci Nancy. Mais depuis, alors du coup, je vous ai demandé tout à l'heure en stage que vous faisiez, vous me parliez des sports. Depuis, vous êtes passé donc au journalisme d'actualité, à couvrir effectivement l'actualité locale. Vous avez arrêté le sport. Oui, enfin, sauf quand j'étais obligée. Ce qui arrive, hein, pour le coup, quand on travaille en local, ça arrive très régulièrement, et notamment quand on est CDD. J'ai fait plus d'une fois. Je me souviens de mon arrivée à Nîmes où ils m'envoient à l'entraînement du club de foot dont j'ai oublié le nom, c'est dire comme ça m'a marqué. Le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique, absolument. Et je m'en souviens très bien parce que j'arrive, j'y vais pas crânement parce que c'est pas la peine. Et je dis à l'entraîneur dont j'ai évidemment oublié le nom, je lui dis franchement, je suis en train de remplacer un de mes camarades qui est sur une course cycliste. Donc je vais faire ce qu'il faut, mais moi je viens d'arriver, etc. Et il me présente les joueurs à l'envers. Et moi, je me rends compte, parce que je venais de Nancy, que je faisais du sport à Nancy, et je me souviens très bien d'un monsieur qui s'appelait Didier Mondzuk et qui jouait à Strasbourg, et donc je me souvenais de sa tête. Et il jouait à Nîmes, donc au moment où j'arrive à Nîmes, et je vois qu'il me présente un blond qui s'appelait Didier Mondzuk. J'ai senti que... Et c'était l'époque des pins, figurez-vous. Oui. Donc j'ai filé des pins à des jeunes supporters qui étaient là, en leur disant, maintenant tu vas me dire qui est qui. Et je m'en suis débrouillée comme ça. Donc ça m'est arrivé d'en refaire. J'ai fait une finale de championnat du monde de handball féminin quand j'étais à Inter. Je l'ai fait par hasard. C'est pas mon meilleur souvenir. Mes camarades en rient encore. Mais bon, voilà, ça c'est arrivé aussi. Et puis, c'est une vraie école de l'impro, le sport. Et du coup, ça forge un peu le caractère. Alors, Fabienne Saintès, c'est le moment de la première pause musicale. Vous avez choisi quoi ? J'ai choisi Véronique Sanson, bien sûr. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand quand je sens que j'entre dans sa vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Elle me force à parler son langage. Amoureuse de Véronique Sanson dans La mécanique des ondes avec Fabienne Sintès, qu'on a laissée en mars 98, qui est à ta France Bleu Nancy. Du coup, ça, à l'époque, ça s'appelait déjà ça s'appelait France Bleu. Radio France Nancy Lorraine à l'époque. D'accord. Pourquoi vous y partez, Fabienne Sintès? Parce que il faut bouger, que ça faisait 3 ans et que voilà, il y a une opportunité qui se présente à Paris et je me dis pourquoi pas. Parce que vous êtes originaire d'où à la base? Je suis née à Paris, moi. D'accord, donc vous êtes expatriée en province. Oui, enfin bon, c'était pas non plus comme si j'étais au fond de la mine à pousser des wagonnets, quoi. Donc oui, enfin, l'idée c'était pas de rentrer mordicus à Paris, mais il y a une opportunité qui se dessine, c'est le moment, voilà, et ça se passe bien. Donc je postule et hop, me voilà à France Inter. France Inter, donc, est quand même une grande maison, beaucoup de gens, comparé à cette locale à Nancy. Et en même temps, Radio France est un réseau, donc on sait comment marchent les choses, comment marchent les autres radios, comment ça fonctionne ici et là. Donc, c'est pas non plus, alors c'était un palier à franchir, mais c'était pas non plus comme un saut dans l'inconnu réellement terrifiant, en fait. Bien sûr, on change d'échelle, mais non, ce qui est drôle, c'est que quand on travaille en région, on râle beaucoup après les Parisiens. Bon, ben voilà, après, on redevient le fameux Parisien et on se dit que bah, on râle beaucoup finalement après les autres. Donc voilà, c'est le grand lien qui nous unit, c'est notre râlage commun. Mais sinon, non, j'étais pas totalement perdu. C'était un joli challenge et puis c'était bien de bouger de toute façon. Moi, j'ai toujours eu très très peur de finalement trouver que les choses sont trop faciles. On connaît trop les gens, les endroits, les lieux, etc. Puis j'avais zéro attache à Nancy. Alors j'ai bien aimé y vivre, mais j'avais zéro attache, donc j'avais rien qui m'y retenait non plus. Donc je savais que j'en partirais. On reste jamais, ou en tout cas rarement, là où on fait ses premières armes. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, c'était pas ma façon d'avancer. Alors qu'est-ce que vous apprenez à France Inter? En quoi ça vous fait évoluer? Bah, d'abord, je retourne en arrière, en fait, mais c'est pas très grave à ce moment-là. Je fais les flashs de nuit du week-end et du remplacement la semaine. Donc d'abord, je navigue un peu sur la grille, mais c'était finalement pas si mal de se familiariser avec cette antenne en y naviguant. Et puis très vite, en fait, je me suis accroché au service reportage et il y a eu une bonne opportunité. Ça s'est bien déroulé. Et voilà, et je commence à faire du reportage et aussi du grand reportage et finalement à faire ce métier comme j'avais même pas rêvé de le faire, en fait. Je m'étais pas fantasmé dans un avion, dans des avions, courir les catastrophes, les guerres et autre chose de ce genre. J'avais absolument rien fantasmé de ça, il se trouve que c'est venu. Et tant mieux. Voilà. Et ça a été un vrai plaisir au moment de le faire. Ouais. Donc vous avez couvert quoi, par exemple, s'il y avait ça, j'ai commencé au service reportage donc en 98. Donc les élections américaines en 2000, l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003, des allers-retours au Proche-Orient au milieu de ça, une rébellion au Tchad, la Côte d'Ivoire deux ou trois fois, etc. Mais à la fois, je suis très très content d'avoir fait ça, mais il y a aucune fausse modestie dans ce que je vais dire. La valeur d'un journaliste se mesure pas au nombre de tampons qu'il a dans son passeport. Enfin, donc, et justement, ce qui était bien quand j'étais au reportage à Inter, c'est que on fait jamais que ça. Ça veut dire que quand on revient d'Afghanistan ou d'Irak, on peut aussi se retrouver boulevard Haussmann pour faire les soldes. Et c'est bien aussi, ça refroidit un peu. Vous aimiez bien ce grand écart? Ouais, mais j'aimais surtout que je trouvais que c'est important que chacun se refroidisse la tête régulièrement, en fait, et qu'on se souvienne que, voilà, on a juste envie de raconter des histoires. Et finalement, l'histoire d'un gars qui a perdu sa maison au fin fond de l'Irak à cause de la guerre n'est pas évidemment différente, mais enfin se raconte de la même manière finalement que le gars qui a perdu la sienne dans une inondation à Abbeville. Enfin, je caricature un peu, mais dans l'idée, c'est comme ça que je voulais voir les choses. J'ai jamais voulu ni aimer qu'on dise ah les reporters de guerre. Moi, c'est un terme qui me correspond pas et que je comprends pas d'ailleurs. Il m'est arrivé d'être reporter dans la guerre, oui, parce que c'est là que ça m'a emmené. Mais de guerre, dans l'idée que on ne fait que ça et que du coup on est presque fasciné par ça, en fait, moi ça me mettait pas très à l'aise, en fait, ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de cette adrénaline que peuvent vous procurer effectivement des grands événements comme ça, que ce soit la guerre ou autre. L'adrénaline et le truc qui fait que on n'en revient pas soi-même parfois, c'est d'être là où les choses se passent, en fait. Donc c'est pas tellement, enfin moi le côté dangereux, etc., m'a jamais fait. Quand j'entends des journalistes qui disent j'aime le bruit des balles qui sifflent à mes oreilles, honnêtement, je trouve que c'est d'une débilité terrible. Enfin, c'est même pathétique. Mais être là où les choses se passent, oui, ça a quelque chose de totalement fascinant, en fait. Même quand on se met à s'auto-écouter en train de le faire, on se dit oulala, quel vertige. C'est moi qui donc suis en train d'informer les gens sur ce truc très important qui est en train de se passer là. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant et qui continue d'ailleurs aujourd'hui à me fasciner. Ouais. C'était le cas à ce moment-là, c'était le cas à d'autres moments, ça a été le cas aux États-Unis après, y compris maintenant derrière le micro à France Info. Alors, à France Inter, ça dure combien cette période de reporter? Ça dure presque 10 ans. Et en 2009 2007. D'accord, en 2007. Qu'est-ce qui se passe en 2007? En 2007, je pars aux États-Unis. Pour combien de temps? Pour 6 ans. Et voilà, pareil. Qui vous a nommé, rappelez-le? C'est Radio France qui nomme. C'est pareil, on postule hein, pour aller quelque part, donc les places sont chères, donc c'est un peu compliqué. Je trouve que voilà, enfin il y a eu une opportunité, des choses un peu compliquées à expliquer, mais voilà, 2007, je pars aux États-Unis. Et tant mieux, parce que c'était un moment où j'aimais toujours autant faire du reportage, mais j'avais un peu le sentiment que et c'est pas que j'avais fait le tour, c'est que j'avais peur d'avoir le sentiment d'avoir déjà vu, en fait, déjà vu et déjà fait. Je voulais pas être Vous voulez pas tomber dans cette routine. Non, je voulais pas être ces reporters qui où finalement on finit par se dire que après tout, un tremblement de terre en Algérie et un tsunami en Indonésie, à la fin c'est pareil, sauf que des fois il y a de l'eau puis à côté il y a de la pierre. Donc voilà, j'ai eu un peu peur. On peut vite se blaser même sans s'en rendre compte. Donc je me disais que j'avais plus cette énergie-là. Puis il y a un moment où le côté excitant du début de sauter d'un avion à l'autre devient plus pesant. En tout cas, moi, ça a commencé à me peser. J'avais envie d'aller plus au fond des choses, en fait, de mieux maîtriser plutôt que de me retrouver dans une situation donnée sans savoir ce qui s'était passé, ou enfin, en tout cas, en ayant une connaissance extrêmement, pas très importante, en fait, de ce qui se passait avant. Je voulais avoir plus d'expertise, en fait, sur les choses. Et les États-Unis, j'aimais bien. J'y suis allé plusieurs fois en reportage, à de multiples reprises même, et en vacances aussi d'ailleurs. Et du coup, voilà, cette occasion s'est présentée. C'était vraiment super parce que du coup, ça me permettait d'avoir ça, c'est-à-dire de parler plus en profondeur de quelque chose, d'un thème qui était le même, donc de finir par avoir un sens, en fait, sur cette actu-là. tout en continuant à faire du reportage, puisque je me suis jamais arrêtée de faire du reportage. J'ai même continué à sortir mon agra très régulièrement. J'ai couru les États-Unis de haut en bas et de bas en haut. J'ai fait les 50 États. Enfin, je voulais vraiment profiter de ce pays. Mais je trouvais que la transition était bien, en fait. Était parce bonne. Que vous me disiez grand reporter à France Inter. À un moment, j'en avais marre de prendre l'avion aux États-Unis. Vous deviez quand même parcourir. Ouais, c'était pas marre de prendre l'avion. C'était marre de sauter du coq à l'âne, en fait. À un moment, je voulais approfondir un sujet. Ouais, rester sur la même chose. Je voulais avoir une vraie connaissance de quelque chose. Correspondant pour ça, c'est vraiment idéal parce que à la fois c'est nous la référence du pays. Donc nous, on est capable de dire ça, c'est intéressant, ça l'est pas, ça c'est important, ça l'est pas. Voilà dans quelle direction il vaut mieux aller, etc. Donc on a cette connaissance là. Et puis en même temps, encore une fois, on reste reporter et on continue à bouger. Donc moi, ça m'allait très bien. Puis c'était la période idéale, hein, la première campagne d'Obama, cette primaire absolument ahurissante qui a duré pendant des mois et des mois. Honnêtement, j'aurais eu tort. Vous êtes tombé au bon moment. Oui, j'aurais eu tort de me plaindre, vraiment. Alors, en parallèle, j'ai retrouvé dans les méandres du web que vous teniez un blog en parallèle lorsque vous étiez correspondante. Je voudrais avoir votre avis sur justement le blogging, qui est, on va dire, le nouveau journalisme du web. Est-ce que ça vous a plu de tenir ce blog, déjà, à vous, journaliste ? Alors, moi, je crois que le blog, c'est déjà mort, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est le nouveau journalisme. Je pense que ça a été un moment à la mode. Je crois que ça l'est de moins en moins aujourd'hui. Alors, il en reste un peu. Mais justement, il y en avait partout. Et de gens qui racontaient à peu près tout et n'importe quoi, y compris la vie de leur chat. Aujourd'hui, je pense que tout ça s'est quand même bien mieux rangé dans des cases. Bloguer, c'était vraiment bien. C'était une manière de parler plus en longueur de choses dont je parlais à l'antenne, mais sur lesquelles j'avais pas le temps de m'étaler parfois. Et puis c'était surtout une manière de raconter le making-of, en fait. Je racontais les choses derrière les choses. Et c'était bien. C'était aussi un vrai plaisir d'écriture, parce que il y a du plaisir d'écriture en radio, contrairement à ce qu'on imagine, même si on écrit court. Mais là, plus encore. Puis c'était une relation avec l'auditeur qui était permanente et qui était bien, mais pas seulement le blog en fait. Moi je suis arrivée aux États-Unis en 2007, Twitter est né en 2007, Facebook était balbutiant en 2007, donc moi je me suis un peu imprégnée de tout ça en arrivant et du coup j'ai eu aussi une correspondance différente des autres parce que simplement j'avais ce lien subitement avec l'auditeur que d'autres n'ont pas eu avant moi en fait. J'ai l'impression d'avoir essuyé ces plâtres là en arrivant aux États-Unis en fait. Et on en parlera justement après puisque les auditeurs, vous les réveillez quand même chaque matin, c'est la première proximité hein, Fabienne Synthèse. Votre deuxième pause musicale c'est quoi ? C'est Adèle hein, dont j'aimerais bien qu'elle se dépêche de sortir un troisième album parce que ça commence à faire maintenant. À l'éléphant. Toujours dans la mécanique des ondes, avec Fabienne Synthèse. Son deuxième choix musical, c'est Adèle avec Set Fire to the Rain. On voit qu'elle a passé du temps aux États-Unis. Oui, ça bon, Fabienne Sartès, justement, on en est à votre retour en France. C'était donc en 2013. Pourquoi vous rentrez en France ? Parce que mon contrat est fini. Et que il faut laisser la place aux autres aussi. Donc ça tourne, c'est normal, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et pareil, aux États-Unis comme avant, bien sûr que je serais bien restée. Bien sûr que c'était facile, ça devenait facile. En tout cas, je savais comment fonctionnait ce pays. Je commençais à connaître des gens et connaître sa mécanique surtout. Mais je suis convaincue que mon successeur traitera mieux de l'élection suivante que je ne l'aurais fait moi, puisque voilà, moi je l'ai déjà fait. Je l'aurais couvert deux élections, les deux Obama quand j'étais correspondante, j'ai couvert les deux Bush quand j'étais reporter, donc je suis convaincue qu'il le fera mieux. Alors oui, ça fait très envie Hillary Clinton, mais voilà, l'œil neuf, le regard neuf, je trouve que c'est important. Donc il y a pas de raison que non seulement qu'il le fasse mal, mais il y a pas de raison, je pense pas que je l'aurais fait mieux en fait, mais vraiment, enfin donc tout va bien. Encore une fois, faut bouger, voir des choses un peu. Et alors, est-ce que Radio France vous propose quelque chose d'autre après? Ben là, par exemple, le principe quand on rentre et qu'on sait qu'on va rentrer, puisque on connaît les dates des contrats, c'est de voilà commencer à tourner, les voir les uns les autres. Et quand je dis les, ça veut dire toutes les antennes en fait, France Inter, France Info, France Culture, etc. Et mettre des souhaits ici et là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Ben justement, je voulais pas remettre mes pieds dans les chaussures que j'avais laissées en partant. Donc je voulais faire autre chose, je voulais me faire peur, je voulais aller chercher quelque chose que je savais pas faire, je voulais et revenir à l'antenne, ça me plaisait bien. J'ai à peine touché à l'antenne, en fait j'ai fait quelques remplacements de présentation quand je suis arrivée à Inter, mais c'était il y a plus de 15 ans à l'époque, donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être bien de changer complètement d'horizon, revenir dans un service reportage. Je crois que j'aurais été malheureuse en fait. Alors on s'en reparle dans un an ou deux, hein. Ça se trouve j'aurais à nouveau envie de prendre mon agrafe, peu importe en fait. À ce moment-là, ce dont j'avais envie, c'était de faire autre chose en fait, pour qu'il y ait une vraie rupture avec les années américaines, les années précédentes. Et France Info, qui était en train de se restructurer, pas encore complètement, c'était l'année d'avant l'arrivée de Laurent Guimier, m'a dit ok, il peut y avoir un truc pour toi. Ils m'ont parlé de la matinale assez vite, à l'époque c'était 8h-10h. Moi je leur ai répondu, vous êtes complètement fadeurs les mecs, moi je suis absolument incapable de faire ça. J'ai déjà, tout ce que j'ai fait à l'antenne c'est des journaux, et c'était il y a très longtemps. Vous me demandez d'animer une tranche, vous êtes complètement irresponsable. Et puis voilà. Et je suis convaincue que et j'ai toujours, j'en suis convaincue au bout de la deuxième année là, que j'ai encore une énorme marge de progression, j'en suis convaincue. Mais je suis convaincue aussi que la marque des chefs qui comptent et qui sont importants dans une vie, c'est ceux qui vous envoient faire des choses dont vous ne saviez pas vous-même que vous savez les faire. Et donc voilà, voilà où j'en suis là. Donc effectivement, je voulais me faire peur, moi je me suis fait peur. Ouais. Mais vous vous faites toujours peur, ouais, tous les sûr, matins. Bien sûr, pas forcément tous les matins, et c'est pas du même niveau, mais c'est pas du même degré, mais bien sûr que oui. Ouais. Oui, parce que donc je réexplique, hein, sur l'année 2013-2014, vous animiez donc 8h-10h, mm-hmm, avec une femme également avant vous, hein, ouais, Céline Baydarcourt, entre 6h et 8h, et donc depuis la rentrée dernière 2014, vous êtes seule aux manettes, mm-hmm, 6h-9h. Enfin, seule mais pas seule, hein. Il y a du monde autour de la table, mais enfin effectivement. Ça s'enchaîne, hein, voilà. Sur France Info. Je voudrais avoir votre avis sur justement la radio filmée. Vous en avez parlé en début d'émission. C'est vrai que je demande un petit peu à tous les invités ce qu'ils pensent de la radio filmée. Vous êtes quand même filmé, vous, tous les matins. Pour ou contre ? Pour. Pour, parce que on va pas. Moi, je dis toujours. Parce qu'à Radio France, on a toujours tendance à, enfin, on a ce petit côté, attends, on va pas rentrer là-dedans parce que, mais est-ce qu'on va pas perdre notre âme, etc. On a raison de se poser ces questions-là. Moi, j'ai toujours qu'il faut faire attention à trop vouloir être le dernier résistant. On est aussi le dernier dinosaure. Donc, parce que, qu'on le veuille ou non, les gens viennent par la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'écoute encore la radio avec un transistor, comme il y en a plein dans mon appart, mais ma nièce, qui a 20 ans, m'écoute sur son ordi, qu'on le veuille ou non. Et elle clique sur ce qui bouge. Les gens cliquent sur ce qui bouge aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est pas de... On n'a rien transformé en faisant de la vidéo. On n'est pas obligé de... On fait pas des castagnettes dans le studio. Hein. On n'est pas obligé d'avoir ni une posture, ni rien de tout ça. Personne ne nous demande rien. Mais du coup, si les gens ont envie de nous voir, ils peuvent peuvent nous voir. Et s'ils n'ont pas envie, ben ils viennent pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un souci. Ils peuvent continuer à écouter la radio comme ils le faisaient avant. Je crois qu'on n'a pas le droit de reculer devant ces choses-là. On n'a pas le droit de dire ah ben oui, mais non, mais si. Tout le monde y va, tout le monde le fait. Plein d'auditeurs arrivent par ce biais-là. Nous, on a à Radio France une moyenne d'âge qui est relativement élevée. Si on veut essayer de, et c'est vrai, hein, je crois que nous à France Info, on doit être parmi les plus jeunes avec 53. Je crois que c'est 53 ans. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc c'est à peu près dans ces eaux-là. Alors c'est des gens qui s'intéressent à l'info, etc. Bon, il y a aussi quelque chose d'assez cohérent là-dedans. Mais si on a envie d'en attirer d'autres, si on a envie d'aller avec notre temps, hein, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui les gens se trimballent avec un portable à la main. Il leur faut les choses là, dans la main, et moi la première quand je me lève le matin. Donc oui à la vidéo. Encore une fois, on nous demande rien, à part on nous prévient juste qu'il y a une caméra sur nous. Et c'est tout. Quand on était à Londres, on a fait une opération spéciale il y a pas longtemps à Londres, qui était en vidéo aussi bien qu'en radio. C'était très ludique en fait. Donc on peut le prendre du point de vue ludique. Les gens le regardent comme quelque chose de ludique. Et moi, comme je dis souvent, moi je suis dans la salle de bain des gens tous les jours. C'est quand même la moindre des choses de leur laisser entrevoir un peu ce qui se passe à l'intérieur de la cuisine. Donc bon, ça c'est notre, c'est un peu notre contribution à ça. Mais le nom de principe, en fait, moi je l'entends pas. Je trouve que ça nous fait pas avancer. Alors justement, vous parlez de proximité avec les auditeurs. C'est vrai que votre Twitter, votre Facebook, voilà, on peut le voir sur le web. Il y a des gens qui vous envoient des cadeaux, etc. Vous arrivez à le gérer ça? Non, ben, n'exagérons rien non plus. Enfin, je suis pas claire. On vous envoie du limoncello. Oui, on m'envoie du limoncello parce qu'un jour j'ai dit à l'antenne que j'aimais ça et je ne sais pas ce qui, voilà. Mais non, il y en a qu'un qui fait ça. Donc non, vous savez, comme je dis toujours. Est-ce que vous vous souvenez de qui faisait la matinale avant moi? Avant 2013? Non. Ben voilà. Donc dès que j'aurai quitté l'antenne, vous ne vous souviendrez plus de moi non plus. Et c'est pas un souci. C'est comme ça que ça marche. Voilà, on est peu de choses. Donc les réseaux sociaux... Mais je suis pas d'accord avec vous, parce que je voulais vous parler également de vos top horaires. Qui, ouais. Donc moi me réveille quand même à 7h30. C'est vrai que les goûts sont partagés sur les top horaires. C'est vrai. Oui, ne cherchez pas le réveil, vous avez la radio, je reçois des mails qui me disent je ne supporte plus, je leur réponds écoutez, je suis désolée, mais alors il y a des gens qui me disent qu'ils peuvent pas se lever si je ne dis pas, donc qu'est-ce que je fais, des fois je change, alors du coup je leur donne des signaux, je change, mais bien sûr que on essaye tous les matins d'apporter quelque chose qui est nous, d'apporter, vous secouez un peu France Info quand même tous les matins. J'espère qu'on, vous savez, c'est marrant parce que ça fait quand même bien longtemps que France Info est plus un moulin parole. Et c'est marrant comme les habitudes dans la vie dure, hein, et qu'on a l'impression que c'est encore le cas à certaines heures. Franchement, c'est pas vrai, quoi. Mais j'entends, hein, c'est compliqué. Je veux dire, il faut faire rentrer qu'il se passe des choses différentes sur l'antenne, et c'est pas toujours simple. Mais cette image, je veux dire, c'est comme de dire qu'on comprend rien sur France Culture, c'est tellement pas vrai. Enfin, voilà, bah, c'est pareil. Donc oui, bien sûr qu'il y a quelque chose de... On a souhaité personnaliser les tranches. On a personnalisé les tranches, dont acte. Et moi, j'ai aucun souci à jouer effectivement avec les gens jusqu'à un certain degré. Ça veut dire qu'effectivement, mon compte Twitter existe et qu'on échange régulièrement avec les gens sur le compte Twitter, pas avec tout le monde, hein, mais voilà. Et pareil sur la page Facebook. Voilà, maintenant, on a ces outils maintenant, donc moi, j'aime bien, j'en profite. Et je pense que je peux en profiter justement parce que je ne suis pas Claire Chazal ou rien de tout ça. Enfin, c'est tout petit, Fabienne Synthès, honnêtement. Enfin, sauf ma mère qui me trouve formidable, mais vraiment formidable. Mais sinon, c'est aussi parce que je suis pas submergée non plus. Je suis même pas Patrick Cohen. Enfin, voilà, je suis pas submergée non plus. Pas non plus. On me demande pas mon avis tous les quatre matins. Et grand Dieu, heureusement. Enfin, je ne sais vraiment pas ce que je raconterais. Donc, c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir ce jeu, cette proximité. Mais dans un an, dans deux ans, dans trois ans, j'en sais rien. Je ferai autre chose. Hein, et voilà. Et à ce micro, il y aura quelqu'un d'autre et ce sera formidable. Et vous chercherez dans votre tête comment s'appelait cette fille qui disait. Comment elle disait déjà à 7h30, faites partie. Voilà. Non, vous le dites jamais, faites partir le café. Je le dis à 6h. Ouais, ah ben, attendez, il faut vous lever. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La mécanique des ondes. Une question, que dis-je? Une réflexion de Jean-Jacques Bourdin, l'invité précédent pour Fabienne Synthès. Fabienne, vous permettez que je vous appelle Fabienne. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Nous ne nous connaissons pas, mais je connais votre voix, parce que je vous ai entendu de multiples reprises sur France Info lorsque vous étiez aux États-Unis. J'ai toujours apprécié vos reportages différents. Et C'est ce que j'aime, la différence. Je ne vous ai pas écouté sur France Info, je ne peux pas, mais vous êtes l'une des grandes voix féminines de ce monde radiophonique très masculin. Et voilà, je peux vous souhaiter qu'une chose, c'est d'aller au bout de ce que vous aimez. Et au bout de ce que vous savez faire, vous le ferez, j'en suis certain, parce que je suis persuadé que vous avez du caractère. Donc, bonne chance à vous. Voilà, voilà ce que je peux dire à Fabienne Saintesque. C'est tout. J'aime son ton. Il est, bah, François. Il est sympa, ce Jean-Jacques. Jean-Jacques Bourdin. Merci, Jean-Jacques. Que je n'ai jamais vu non plus. C'est qu'on voulait créer avec des copains, puis on l'a jamais fait, mais on devrait. On voulait créer le club de ceux qui ne peuvent pas s'entendre. Donc, tous les gens qui travaillent dans les matinales ici et là, et qui se connaissent parce que, on se connaît plus ou moins les uns les autres, mais sans s'être rencontrés. Moi, je connais pas Bourdin. Mais on ne pourra jamais s'écouter les uns les autres, ça, c'est sûr. Donc, Est-ce que vous écoutez par exemple en replay les autres matinales? Non, je suis pas maso à ce point-là. Quand je me lève après la sieste, j'écoute ma radio, je regarde la télé, etc. pour voir un peu ce qui s'est passé. Non, j'écoute pas en replay, mais j'écoute les autres quand je travaille pas, par exemple, oui. Pour le coup, j'écoute pas chez moi quand je travaille pas, enfin en tout cas pas toujours. Et c'est toujours intéressant. Évidemment qu'il faut écouter ailleurs, comment ça se passe ailleurs. Et comme je dis toujours, on est peu de choses. Hein. Je me rends compte que je fais plein d'autres choses quand j'écoute les autres et que je travaille pas, ce qui veut dire que les gens font plein d'autres choses quand ils m'écoutent avant d'aller travailler. Mais ouais, j'écoute les autres, j'écoute Europe, j'écoute rarement RMC en fait. Effectivement, c'est vrai que c'est pas du tout dans ma culture. Mais bon, voilà. Pourtant, on peut pas tout écouter. Mais Europe, RTL, alternativement, ça m'arrive très régulièrement. Ouais. Enfin, quand je travaille pas. Alors, questionnaire rapide, Fabienne Saintesque, on est très en retard. Allez-y. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle? J'ai rien qui me vient. Une femme de radio qui pourrait être mon modèle. Comme ça, j'ai des noms, j'ai des Anne Sinclair, j'ai des Christine Ocrinthe, mais je sais pas si ça s'appelle une femme de radio. Bah, en partie, elles ont fait de la radio, donc c'est pas grave, je prends, hein, c'est pas Allez-y. Mal. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1. Quelle radio vous réveille le matin et à quelle heure vous vous réveillez? Je m'auto-réveille. C'est-à-dire, c'est compliqué votre question. Moi, je me réveille à 2h du matin, donc à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous réveille le matin? Quelle radio? Info, je suis sur Info. Et quelle radio vous endort le soir? La radio m'endort pas le soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Le matin. Dans la salle de bain, dans la cuisine. D'accord. J'en ai 4, des postes qui sont sur la même fréquence ou pas. Alors, un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Nulle part. J'habite 42 mètres carrés et j'ai 5 postes de radio, donc vraiment, jamais. Votre meilleur souvenir... Enfin, si, j'ai pas de voiture, donc j'ai pas ça, j'ai pas l'habitacle, mais sinon... Votre meilleur souvenir de radio, s'il y en a qu'un seul à retenir? S'il y en a qu'un à retenir... Je sais pas, je crois que le reportage qui m'a le plus marqué, c'était l'Afghanistan en 2001, à l'ouverture de Kaboul, c'était formidable. Le pire souvenir? Le pire souvenir, c'est quand ça rate et qu'on me ramène des trucs inintéressants. J'ai rien qui me vient spontanément, mais c'est arrivé, bien sûr. C'est quand tu n'as pas d'histoire, quoi. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? D'abord, si l'envie de faire du journalisme, c'est une chose, et que raconter des histoires à la radio, à la télé, dans la presse écrite... À la fin, ça reste le même métier. Je dirais que les voix en radio sont pas ce qu'on croit. Et que les gens qui disent « mais j'ai pas une voix de radio », ça veut rien dire. Il faut justement en avoir une de voix. Quelque chose qui génère quelque chose qui sera pas l'indifférence, en fait, dont on se souviendra, parce qu'il y a une personnalité derrière, parce qu'il y a quelque chose qui claque quand il parle. Donc ça veut rien dire, c'est aussi tout ce qu'on met à l'intérieur qui compte. C'est un beau conseil pour terminer cette émission, Fabienne Saintesque. Tant mieux. Vous ouvrez donc la série féminine, des voix féminines de la radio de cet été 2015. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à trouver des invités. Alors, est-ce que c'est dommage ou pas, justement? Est-ce qu'il y a trop peu de femmes sur la bande FM? Moi, je crois qu'il y en a de plus en plus, quand même. Honnêtement, il y en a de plus en plus. Et je voudrais dire que... c'est vrai qu'on parle beaucoup de la première femme matinalière, blabla. C'est pas vrai. La première femme matinalière sur France France Info, elle s'appelait Catherine Potier, c'était il y a 15 ans, et elle le faisait déjà. Ensuite, alors les horaires n'étaient pas les mêmes, mais il y a eu Raphaël Duchemin chez nous. Je pense que, pour le coup, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les postes à responsabilité, sur les experteux qu'on met à l'antenne, etc. Et il faut qu'on balaye nous aussi devant notre porte, mais en matière de féminisation, pour une antenne qui a ouvert avec un monsieur qui disait les voix féminines, c'est pas crédible, je trouve qu'on a fait un sacré bout de chemin, et peut-être même qu'on a fait un chemin plus rapide et meilleur que certains de nos confrères et autres d'autres radios. Une note optimiste pour terminer cette mécanique des ondes. Merci beaucoup Fabienne Saint-Est. Merci à vous. On vous retrouve à nous réveiller tous les matins et j'espère encore pour un petit bout de temps, mais du coup, vu que vous aimez bien changer, faire plein de choses. Non mais là j'y suis, j'y reste, comme dirait l'autre. Voilà, c'est très bien pour terminer cette émission. Merci beaucoup et bon après-midi à tous sur Fréquence Protestante.